بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح صلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني ومنشأها أصلان. الأصل الأول هو مشاهدة الحضرة القدسية بعين العيان على ما هي عليه، والأصل الثاني محبة الذات المقدسة لذاتها لا لعارض غيرها، والأصل الأول هو الذي يقع عليه الأصل الثاني، وإلا فلا، إلى آخره. Kon ci jotaay bi wessu wala alhamdoul min na gisoon nañu manam halu arfi manam wala dox na ci lolu wala bu deer lolu lañu gisoon ci jotaay bi wessu manam wala ne ñom dañu am ak jappandal moy ahwal yi nga xamantene mom moy le fait que duñu soppé ko affaire yi du leen soppé du xew xew yi ñoo maam tajal yaari borom subhanahu wa ta'ala di def du nañ soppi ba kërom ñuy am fanaaw complètement ci borom subhanahu wa ta'ala manam moy seen xal yi waaw lool mom motax ñom ñuy mën di nekk ño xamantene ci hadara bi tout temps ci lañu nekk ahwal hadra manam kon dayak jaamu yalla manam ubudiyya melok jaamu yalla lol moy sen dayer mom moy sen njombartal manam moy sen extremité mom lañuy melo manam melo way meloy borom bi subhanahu wa ta'ala def am tahakkuk manam incarner li nga xamantene mom moy turu yalla ak ay melom parce que en fait munuñu dudul dawlu parce que lolu boko weso lan mo fi nek uluhiyya moy divinité moy nek ko xamne da nga yello ñu jaamu la te lolu mën tane yalla rek ko am voilà koko mo jaam mënuko am yantiri sallallahu alayhi wasallam motax limi for niveau bobu la nek voilà c'est dans le que ci niveau bobu nak ci lañuy wutenté après fofu nga gisse moy halu ahlul qurba bobu way jégen yalla ñu deug parce que comme niñ ko gissé tamit moy né xal yi nga xamné mom lay nek moy tam ak manam dañ ci jappal am dañ ñom en fait lool la manam moy dañu fex pour am stabilité ci xal yi parce que comme ko xawf ak radja bobu lañu jëkke yaakar ak ragal parce que yaakar xam nga liko wutale ragal sax da naka lool rag la yaakar lu ñewugul la ragal moy ragal tamit lu ñewugul la ñom ñaan ñep lu ñewugul la mais sauf que yaakar ci lu positif la mais day and ak jëf moy voilà mo lool moko wutale xemem am envie espoir ak envie loolu ko wutale voilà li la am envie bi la am moy lool lay xemem c'est à dire que suma sañon looloy am donte amul fi lutax mo war ko meuna jot alors que yaakar moy damay def li tax mo man ci meuna jot voilà rasoul babakar radiyallahu anhu wax moy ci qasidam bu siw bobu mu defone ci periode de crise voilà muna inna rajaa la fi wadin kaza tamam del tektelo dara doora yaakar dajuk alal ya wala yaakar dafa nek ni na raja la fi tap la fi wadin dafa am yaakar ben ci ben contraire ben gox la ne mbir la ne tamaam benen mbir la Léegi ñoom ñaar soo leen bëggee différencier, différence bi fii la nekk, mooy del tegtaloo dara door a yaakaar dajuk alal ya. Voilà, c' est à dire que ci yoonu yàlla même ni gis nga na la dina aamanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillahi mun ulaa'ika yarjuuna rahmatallah. Voilà, ñii gëm yàlla di gàddaay di jóge ci yi nga xam ne ñoom yooyu mooy yàlla yi bañ, di dem ci yàlla yi bëgg ba pare di xeex ci yoonu yàlla, maanaam ak seen bakkan ak leneen, maanaam ak maanaam lu yàlla yoonal daal pour ñu xeex ko ngir yoonu yàlla taxaw. Loolu ñii def loolu ñoo ñoo yaakaar yërmande yàlla, c' est à dire que donc day teg toon day tegu ci dara. Voilà, alors que tama xemmem xoolal mu ne afa tatamauna an yuminu lakum waqad kana fariqu minhum yasmauna kalama allahi thumma yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Est ce que da ngeen di xemmem? Gis nga mooy teguwul ci dara, da ngeen di xemmem ci ñu gëm leen, alors que kuréel ci ñoom mooy yahudi ñi ngi dégg kàddu yàlla yi ba xam ne lii la yàlla wax, ñu jël changé ko ginnaaw ba ñu ko xamee ba takk ko ànd ak ne la ñuy def, xam nañ ne bi ñuy changé lii ñoom ñoo ko tey changé nañ ko. Léegi est ce que ñooñu da ngeen am benn xemmem def pour ñu gëm leen yéen? Segam noonu lañu doxal ak yàlla, yéen nan ngeen bëggee yéen? Voilà, dégg nga, kon loolu la. Mais kon yaakaar ak ragal dafa nekk nii, mais loolu étape la boo xamante ne boo fa passé da ngay dem ci beneen étape, mooy étape bu qabd ak voilà mooy qabd ak bast. Yooyu moom ay xaal la rek yooyu dund yoo xamante ne moom c'est momentané, c' est à dire que léegi nii ngi lay xew, léegi. Voilà, Allah yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Moo tax tout temps ci yàlla ngay war a dellu ci xaal yooyu, xaal qabd ak bast. Yaqbidu mooy ñëpp, wa yabsutu mooy tàllal. Voilà, wa ilayhi turja'un te ci moom ngay di dellu. Après unsu ak xayba gisoon nañ ko tamit ci jotaay bi wees, mooy wéttaliko ngay wéttaliko yàlla mais ànd ak ànd ak la charisme. Voilà donc il y a le charisme intense ak familiarité bi. Voilà, xaal boobu ngay dund en même temps. C'est que léegi nag loolu soo ko demee, loolu nag soo ci nekkee après en fait ci ngay loolu nag moo lay yóbbu ci ngay gën di maanaam ngay dem ba nga xamante ne comme parce que da nga xam nga am familiarité ak yàlla nga koy wéttaliku ànd ak charisme bu mag boobu. Loolu day tax ngay jikkoo complètement jikkoy borom bi subhanahu wa taala. Mooy moom lay wax noonu naan mooy nga melowoo meloy yàlla ak ay turam, day tax nga incarné ko de manière claire parce que de manière maanaam de plus en plus parfaite ngay incarné meloy yàlla ak ay turam. Ngay incarné meloy yàlla ak ay turam de plus en plus par de manière parfaite de plus en plus par noonu la comprendre la. Voilà, ndax lan ndax uns gi wéttaliko nga wéttali ak charisme bi. Bu boobaa nag dafa am en fait ci ngay réaliser tamit beneen mbir boo xamante ne moom la ñu tuddee al mahu wal isbat. Mahu mooy far yàlla day c' est à dire que day effacer sa melo yi nga xamante ne moom mooy say aaday doomu aadama, sa meloy doomu aadama ni nga mel en tant que doomu aadama day effacer aaday bi. Ah, après nga dem gisoo nga meloo meloy kan? Meloy yàlla, maanaam musaxal la ci ay meloom moom yàlla. Dama ma wax isbaat. Voilà, moy comme dal xam ndax yamhullahu ma yasha wa yuthbitu yalla moy far lu ko neex far moy effacer wa yuthbitu moy saxal boba nak ci ngay réaliser deug deug bu lolu xewé ci ngay réaliser tajrid deug deug manam effectivement moy épuration ak lan dépouillement épuration totalement yalla rek nek fi doto gisati kenn di def kulul yalla kon lolu mom moy isbat bi day saxna deug deug han saxna deug deug moy ne yalla rek nga gis muy def kenen deful lenen deful dara deful kenen han et cetera dulé voilà han boba da ngay gis ne manam ne jëf yi yalla wala légui nak nga gis ne yalla rek kay def nangam d'ailleurs lool sax yang koy commencer am bi ngay commencer nek ci qabdul bastu voilà mais fi day gëna sax tawhidul af'al bobu non légui fofu nak ci ngay réaliser fana parce que yow sa melo dafa jeex ci melo yalla sey amato yow melo yu jam dedet yu yalla rek nga yapp voilà yoy nak bo ci saxé deug ci nga sax ci incarner ko deug gisso leneen manam parce que en fait lolu moy qurba deug moy djégué yalla deug parce que loy gën di sori nit ñi di gëna djégué yalla loy gën di sori minde fi ak seeni jikko ngay gëna djégué yalla lolu mom motax lolu arif billahi di wax naan djégué gune dafa am sori sori gune am djégué manam djégué ak sori gi dañu takalo e ke djégué gogo moy jëmmi sori gi lolou mom motax manam djégué gi en fait moy jëmmi sori gi voilà al bord bord moy so djégué sori gi han mom huwa aynul qurbi wal qurbu huwa aynul ubad manam sori moy jëmmi djégué moy jëmmi sori lolou la lolou lañ ci djublu manam moy sori gi ngay sori minde fi moy jëmmi djégué gi ngay djégué yalla e ke djégué yalla moy jëmmi sori gi ngay sori minde fi lolou la parce que d'autre façon so démé ba nga xamanténi sa xel ak sa xalaat nekatul ci ni minde fi rek nekatul di len xalaat nekatul di len hein ci yalla ngay xalaat ha après nga djex ci mom moy fanaaw bi sax gi ngay sax nonu ci jeex gi manam bi réaliser ko dund ko moy fanaul fana moy al baqa moy l'extinction de l'extinction manam voilà moy baqa lolou yepp ci maqaba qurba bobu la manam voilà moy djegge gogou melo yalla legui nak après nak fofu nak nga xamantene yalla yi kesse ngi dund fofu wali yi lolou moy sen jeexital wali yi sen cheminement fofu la fofleu en fait fofu nak moy debutou talibé tidiane ñom fofu moy sen début pour dem motax ñu wax né debutou tidiane moy finou voilà mais voilà c'est à dire que yalla yi kessé ngay dundou yalla yi kessé ngay voilà mais aussi ce qui veut dire que yow bo melul non c'est parce que nek goulo deug talibé bi tax ñu wax mais c'est la réalité aussi c'est là que mbir mi tam du théorie nan talibé tidiane ni lay ñëw rek après mu jeex après lool ashabu cheikh mais motax même bo gisé audio ki wa tarikha buñu wax ci lool ashabu cheikh lañu wax voilà manam andando cheikh cheikh tidiane radhiyallahu anhu andando bi manam moy sen talibé ñam dañu jeex ci mom ni lañu mel ñom li moy li ni lañu mel moy li nak ñom moy sen début ñom gaay ñoo ñi ci dess ñoom bu ñuy dem bu cheminé ciow li di yépp ci walu ñu cheminé bu cheminé fi la ñu yépp daal mi cheikh ashaaw cheikh ni ci den rabbi yalla ñoom fi la ñu tambalé ñoom fi la ñu tambalé di dem wala du terme ashaab bi wala hmm wala lolou mom motax mom bo gisee ci yaakaara ci rahatul maktum la wala ci même ci at nour at kitabu nour sax tambal nako ci début bi mi ngi koy wax nan début wu manam jeexitalu talibi ci ki yoon yenen yi ci dess mom moy début wu yoonu tariqa tijani wala lol la manam mana bobu la wala legui nak yalla kesse wala mo ra deug deug ab talib tidiane deug deug moy lolu moy ko mel non moy ko incarné melo yi nga xam tane da ngay dem ba nga xam tane yalla kesse ngay dund dundo lenen yalla kesse ngay dund ke yalla rek ngay bëgg jeex ci yalla jeex ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci cheikh tidiane wala deyo la ni jeex sa aduna yep lolu non ya mel motax legui nak comme que li nitu yalla di am lepp yor nga ko yow amul dara loy def nudul sante yalla motax tariqatum ma shukri wal mahabbati ngeureum ci sante gi wala lolou ak soppi nek ci mahabba wala moy ahlul qurba wala lola tax serif bi waxone wa tariqa bi fo ahlul itlaq la manam lolou la ci djublu mais djublu wu ci ne n'importe qui ci ñi nga xamantene ñom ño nek ni ci tariqa bi ni ci bitu ni ñom ñoy wa ahlul itlaq sauf que amna benen mbir mo xamantene tamit bon c'est une réalité aussi moy maqama wa tariqa bi moy sen maqama serif cheikh cheikh mo ci jalla dara sa dik nit ku ci ku nek ci ñom même lu mu deung manam ci zahir ni téréwul lolu benn mbir la bu feñ ci ñom mais yalla daf ko def leen duggal ci benn daayira bo xamne dinañ ko gis ci rimah bi inshallah daayira fu fadlu yalla tudd daayira bobu ku ci dugg yalla dula calcul dula bolé ak yeneen minde fi dula ko bolé wala dinañ ko gis ci rimah bi inshallah wala nga xamantene ñoom en fait comme ku def li moy sa fay bu la yalla manam li ku ko def am nga bakkar li ku ko def am tiyaba yoy et que après bu tiyaba yu beure ñu duggal la aljana bu dé bakkar yu ñu duggal la sawar yoy xet yoy ay ku li lay waral nangam ku bëgg am nangam faaw nga def nangam ah wala nangam ku ko def day doto amati nangam wala nangam mo la ci fekk yoy yep ñom yoy yep bokku ci seen affaire daayira tu fadliya du tiitani rek nak ñoo ci ne amna ñu ci nek par benn ci yeneen xéetu julit ñi mais borom bi fofu kum fa duggal ak no mana mel yalla jitu na nit ci bëgg ci bëggum ci nam mom ne yow daf la boole ci borom gëneel yu mag yi da la boole ci ñi taxé da la boole ci ñi nga xam dañ daf leena tek ci bopam daf leena taf ci bopam ci maqama yu kaw yi nga nek ak lu sa zahir mana mel manam no mana mel day delu ci li ñor wax legui ni rek sank wala moone nit ñi kenn ku ci nek borom subhanahu wa ta'ala def na ci mom ay xéet ngeeneel yo xamne manam en tout cas aduna bi yep mindeef yu ne amna secret yu yalla def ci ñoom amna secret yu yalla def ci ñoom et que secret yoyu non parfois ñoom ci seen bop sax duñ ko xam et que amna mbir yu daw ci kaw aduna bi secret bobu ci ñom la ko yalla def voilà et que ce qui veut dire que ni parfois c'est comme manam ñom duñ ko xam ñeneen ñi duñ ko xam parfois ñeneen ñi dinañ ko xam mais non parfois sax ñom dinañ ko xam mais ñeneen ñi duñ ko xam lool mo gëna lool li gëna bëri nak sax moy ño xam tane même ñom sax duñ ko xam ce qui veut dire que ni nit ki même defoom yi lu mu reuy ci zahir ni woom manam il faut pas que nga nek ci optiku di len ngagne di len xeb di len doyalal dedet mais pour toujours ci optiku ñaan yalla gindi len ñaan yalla soppi len ñaan yalla wala ci optiku wala bëgg mindeef yépp ngir yalla manam ci optiku bobu non wala téréwul nak di jëf ci seen jëw bop nga diko ngane diko ki parce que normal motax lolou alcorane di digle manam ni jeuf sangam baxut nangam bo xolé mbolam limuy ak ci mbiri borom subhanahu wa ta'ala yu upp ci mbiri wala lepp da ngay gis ne ci jëf ji lakoy upp lakoy ak même yéfir d'ailleurs lolo ko wutale julit yéfir limuy liko yalla jappé nonu yalla lim koy limuy wax ne nonu yalla lepp yéfir liko yalla def ku bon lepp def ko ko taxé yépp ci melo gogol aaju moy kéfir manam tay bis bu nekké yéfir légui mirit bi ci téggu mu wax baatu séré dugg ci l'islam nga gis soppé ko na kon manam mbir mi nekul ci jëm mom ci bopom mais ci melo gi nga xamantene mo ñew ci mom la parce que su doon ci jëm ji la né le fait que mu sé def baatu séré kessé du ko génné ci xalu wa sawara yobbu ko xalu wa aljana du ko génné ci xalu nonu yalla yi indi ko ci xalu xat manam soppé yalla yi walu yalla yi parando yalla yi voilà statut bobu li tax mu koy meuna changer moy que ni limu melone du won lu intrinsèque ci mom manam du lo xam voilà lola tax muy meuna changer statut voilà et que même manam amna secret yalla def ci ñom motax ñu mel ni ñu mel tay n'importe quel dirigeant par exemple n'importe quel politicien n'importe quel dirigeant politique par exemple ñom tay nga gis ni ñom la nit ñi ëpp lu ñu critiquer mais so leen xolé di nga gis ni ñom amna secret yalla def ci ñom yu mag lool mom moy waral d'ailleurs ñu mëna diriger nit ñi critiquer ak ngagne ak soxor liñ leen di soxore leele nga gis ñu leen di liggey hein di leen jema ki mais dara lu leen di dal bo leen sello ñom ñep kenn ku ci da ngay jéxal sa mandat manam wax yi ciowul yépp mais dañuy dundu tara après gën de paré dem sen yoon lu leen way liggey gaay fu ne la ni jaar mais dara du leen di fekk dañuy dem def liñuy def dox dem sen yoon buñu paré delu ci wat manam et cetera et que le simple fait que ak manam sen rythme de vie biñu andal rek bok xolé dañuy gis ne rythme bobu ki manuko manam nu tout simple manuko amna secret yu yalla def ci ñoom voilà et que comme le hadith bi wax ne ñoom ñoy kéru yalla ci kaw suuf muna as-sultan zillullah fi al-ard ki manam autorité publique mom moy kéru yalla ci kaw suuf imaginez que ni cette délégation manam cette manifestation et cette délégation de pouvoir ba nga xamantene mom la yalla def ci ñoom ba tax mu tuddé len kéram c'est-à-dire que son nombre lol quand même voilà et que donc manam secret la ce qui fait que yow amna comportement bo wara am ak ñoom c'est-à-dire que bo len di xol bu len xolé comme étant que oui manam c'est-à-dire que ne pas être tout le temps ci optique ou critiquer khastaté ngagnaté etc et que souvent d'ailleurs xolal xalu avant ñu len defal ak buñu len falé ba paré avant ñu len defal da ngay gis lu upp ci peuple bi dañ len di jappé comme ay héros manam ay nit ñoo xamné da naka xaw ñoo doon nit sax après manam ndax non mais c'est vrai dañ len di jappé comme ay xéetu manam ay extraterrestres des idoles des icônes exactement ñu gañ lolo tax ñu len di fal parce que sinon doonu ñu won am majorité bobu nonu hein voilà dañ len di japp lool ben moment en tout cas dina am ben moment ci moment wala jour biñ len di doga fal jour bobu ñu len di fal manam niñ len di jappé japp ni xeyna légui affaire yépp soppé ko wat rew mi mom fim tollu danaka dana wuté lool li fi jott ma nek ndax nangam voilà c'est que voilà lool ngay xol aussi manam bo xolé lool di ngay gis né keni manam critique yi ngay def souvent ci ñom aussi war nga ko mëna mesurer c'est à dire que war nga ko mëna atténuer manam xol manam voilà am benn beutu manam limu bëgg wax fof moy le fait que tolérance bi voilà manam le fait que ñu meloon nonu ci sey beut wala ci beutu peuple bi moy wéne ni moy woné ni en tout cas woné nañ ben volonté wu défar ak volonté wu djubanti mbir yi yakko ak volonté wu avancer réew mi lu deug lolu lañu wone mu fess ba tax nga gis ñepp ci seen wala lu ëpp ci peuple bi ba tax ñu fal ko ñu gisé ko xolé ko bëtt bobu c'est ça tay peut-être que bo démé manam fal nga ko 1 an après 2 ans après wala yu mel non nga gis né volonté affaire bobu dafa melni lu xawa soppé ko ci sey bëtt ano aussi mul gis tout temps que ni ci sey comme dafa soppé ko ci sey bëtt rek que ni keni amul volonté bëggul bëggu ta défar voilà non yow da nga japon ni mom moy c'était l'homme de la situation yow lolou nga japon wala budul yow rek manam peuple et que ñiko fal il faut pas croire que dañu dof comme ñu bari di wax leg nga gis ñu fal nit leg wala ñu ki ko fal ko election ñew ñu falat ko gaane way peuple bi dañu dof alors que non il faut pourquoi nga jappale yow ya gëna mus peuple tout un peuple yo kessé en tant que ben nit kessé pourquoi voilà hein dañu do fal na ndiw wala falat na ndiw président algérien hein dafa maguet ya mauvais santé pourtant mouy 3e wala 4e mandat ñepp ñu ngi néwé lutax ñu fal ko alors que jëm luñ ci voilà mais boudé peuple moko fal mais c'est son peuple voilà mom xamna lutax voilà bon voilà maintenant nak sou des élections dañ ko truquer nangam ak yoy aussi lol tamit benen affaire la mais le simple fait que mu am situation bu numu démé ba tax au moins fal gogou possible ce simple fait là jarna baye xel et que ce simple le simple fait que yalla décider que ni peuple que ni mom mo fay nek mom lañuy fal le simple fait que yalla décider lolou lolu rek c'est un secret bo xamanteni souvent c'est un secret divin insondable auprès du commun voilà lu ci ëpp secret la bo xamanteni ñi lu ëpp ci nit ñi ni duñ ko xam duñ ko mëna imaginer duñ ko mëna lamb mënuñu ko dekk mënuñu ko palper mënuñu ko sondé c'est ça la lolu moy réalité mbir mi lolu moy haqiqa affaire nit ku nekk amna lu yalla def ci mom ku donc vaut mieux di am tout temps idée bobu gis bobu di voilà et que xamné kenn ku ci nek dafa am ay touru yalla ak ay melo yalla yu lu yola yalla moñalé manam ba tax nga mel ni nga mel manam c'est vrai que ni nga mel ni reflet la ci ay touru yalla ak ay melo ni kenn ku ci nek non la mel xolé nit ki beut bobu nga xolé ko yeen tibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene wala mom adam alayhi sallam bi ngeen bok tout simplement xolé ko mom adam bi ngeen bok yeen tibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom ngeen bok même boudé mom gëmuko manam xolam moko gëmul mais que yaramam bi yépp ak mom ci jëmmé bopum leppam secret yi nabi sallallahu alayhi wasallam mokoy doxal ma fil bariyat man lam taskihi karaman min nurihi rabbana ya allah amul ci minde fi ko xamantene ci terangay borom bi kesse subhanahu wa ta'ala ci lako yalla nandale ci leeru yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñun ñep amul voilà wala wala walim la wa huwa aynun lil uyun lu tere lolu am te mom moy sangu sangi sallallahu alaihi wasallam hein wala mbir mi yep lolu la ko fi gis mu exister ba tay c'est parce que amna secret bu yalla def ci mom bo xamantene ah univers bi di daw secret bobu daf ci dafa dafa inhérent ci daw bi univers bi di daw c'est à dire que mën ta takaliko ak le fait que univers bi di daw secret bu yalla def ci koko wala ci lool lo gis nak ko gis lolo mi ngi ci mom ko gis amna secret bu tax yalla bayiko fi batay bis bu deme ba amatul ben njariñ ci kaw suuf amatul dara lum fi def yalla dana ko fi toxal da ko fi jeli bagi ko fi yalla bayyi du hasard c'est pas parce que dafa accidenté wul wala febarul motax deewul dedet yalla ko fi bax subhanahu wa ta'ala te amna lutax mu bokof te xamna lutax mu bokof souvent nak té attention lool moy le commun c'est-à-dire que lool moy le commun bo jëlé julit ni dafa am benen affaire bu nek ci ñom déjà lèru yentou bi sallallahu alayhi wasallam bi nek ci ñom ba tax ñu gëm biñu leen moñalé ba tax ñu gëm yalla nek julit gëm yentou bi sallallahu alayhi wasallam c'est parce que am nañu lien bu étroit bu ñu am ak yentou bi sallallahu alayhi wasallam motax ñu mën ko gëm ñu gëm ko top ko bu fekente ne dañuy nek di moy tamit même bu ñu dé moy ñom ñep njabot yentou bi lay sallallahu alayhi wasallam te yentou sallallahu alayhi wasallam daf leen bëgg parce que tout simplement ay julit lay voilà légui est-ce que fogg nga né nga jël njabotu yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga fowé ko doyo dal ko xépp ko xolé ko bëd bëd non nga est-ce que fogg nga né loolu daf lay jik wala plutôt nga kon nga gis nonu ñu meloon manam nga ndëgëte gi ñu nekk njubadi gi moy yalla bi et cetera nga gis loolu nga am ñewante ci ñoom comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam am ñewante ci ñoom manam comme bi du comparaison égalité mais manam lui tendre vers c'est à dire que genre bi la voilà c'est à dire que nga am ñewante bobu ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñewante ci ñoom am na yermande ci ñoom ndax ay lanu yenente bi le sallallahu alayhi wasallam njabot yenente bi le sallallahu alayhi wasallam yow tamit nga amé nga xolé leen beut bobu ni ñi njabot yenente bi le sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom nan la mel ak julit ñi ha harisun alaykum dafa xër ci ñoom azizun alayhi ma anittum lepp lo xamantene dafa len di tek choono yeen julli ni xam len yeen tabi sallallahu alayhi wasallam lolu dafa dis ci mom dafa metti ci mom ba fara dafa xeur ci yeen kharisun alaykum bil mu'minina raufur rahim gis nga dafa am yeurmande ak ñewante gu ruy ak yeurmande gu mat ci julit ñi ci way gem ni la yeen tabi mel sallallahu alayhi wasallam par rapport ak ñi bax ni par rapport ak ñi mo yalla ci bir julit ñi yow nak nga xolé leen beut bobu mo upp doole nga di leen xolé beut bi nga xamantene mom la leen kan di xolé iblis parce que iblis ngeen am mu nek ben non bo leen bok iblis ngeen am mu nek sen non kuma ennemi kuma est-ce que parce que yow so continuer diko bañ diko ngagne diko xolé beutu xébel beutu doya dal loolu iblis don def effectivement iblis xam nga loolu la mel ak tamit diko yéné mu wagné djup parce que tamit dafa am benn péché bu iblis di jëfëndiko souvent ci nit ñi loolu péché la bu mata baye fa moy day fexé dana la saway day daf lay won ne lu bax nga bëgg ta diko lu bax nga bëgg motax ki nga contre ko motax ki nga diko xass motax ki nga diko critique motax nga diko ngagne motax nga bañ ko mais da lay yobbu ci lolu ba nga xamantene julit bi nga xamne day moy yalla mom nga gëna bañ ko yéfer mi c'est que yéfir bi mom mën nga ko tolérer mais julit bi bi nga xamné mom da nga japp né dafa dëng mom boko rombé sax do ko nuyu té pourtant ki gënon na yélo ci comportement bop mo nékkon yéfir bi pa julit bi and ak né ñom ñëpp da nga wara dans une certaine mesure da nga wara xamné yéna bokku non même yéfir bi iblis moko non rek kon nga xolé ko nga jëm ko jappalé ñaanal ko mu juggé ci ndëngëte gi mu nekk manam wéddi yalla gi mu nekk ñoo ci juliti mo upp doola nga diko gadi ko nono benen point bi nga xamantene mo nekk fofu moy le fait que iblis dila won gis gis bobu moy tax da lay gëmlo ne la dang ko wara bañ dang ko wara khas nañ ko da nga wara fexé ba sot manam wala yi doko yéne lu bax doko ñaanal mu teggu ci yoon bu bax bi ce qui veut dire que yow da ngay am comportement par rapport ak mom bu bokul ak bi yenen te bi am sallallahu alayhi wasallam par rapport ak mom lolu ben la mais ñaaral bi aussi bi geut bobu mo gëna graw moy né dang ko dul yéne mu juk parce que soko yéne mu juk mbolam wax yu ñaaw yi ngi ko doon wax ak mbolam ni ngi ko doon xolé manam ñak yi gi ngi ko ñak yéne njub gogou mo waral ci mom melni mu mel manam kon yow sa dëkk da ngay bëgg mu continuer di mel non da ngay parce que so sa yu parce que sa yu soppé ko rek yow lool c'est comme si da nga am défaite en fait c'est à dire que sentiment de défaite bobu te subhana rabbi sentiment de défaite ci njubuk nit contradiction bi yéwul voilà ya ci super maître la donc ñom lool la ñi nga xamantene nak ñom ñoy talib cheikh tidiane la déla té ci biir di lu ñu am nañu mel non ño xamantene daal fadli yo bogu lañu dugg manam kurelu ngeenel bogu té loolu ajuul ci dara loolu ci ngeenelu yalla comme ni ko wax wax innal fadla bi yadillahi yutihi min sha wala du fadla adik ngeenel ci loxol yalla la nek moko jox ko sopp aju ko ci dara aju ko ci benn condition loolu ci dako sopp lurum ti doko sopp amna ño xamantene bañu juddo ci la yalla namme ci ñom ne ñi jéggal na leen ak lu mëna xew luñu do mëna def ci aduna man duma leen topé dara jéggal na leen té ñooñu souvent ñom ci seen jëmmé bop duñ ko xam ci seen bop waxuma la yéne nit ñi hein voilà légui yow koku non soko né ngagne diko manam wala bok nga bagn ko ngir lolu alors que yalla mom miko bind yalla miko bind mi mi toñ mom dogalon na né ci azal né ki mom luma nak luma mana def man mako taf sa bop mako sopal sa bop djegal nako luma mana def djegal nako yow légui pour lolu yow koku mom djegal nako du yalla la toñ mais yalla mom djegal nako yow legui nak yow mi nga xamantene dara leeru la ci ne ya koka yow am na ngeenel goga yalla defal koka yow legui yow lan moy saka def lu moy saka sulu moy problème voilà parce que ya ko op problème parce que yow ling koy bañe diko ko manam li tax nga bañ ko li tax nga mënoko supporter li tax moy lo xamne la yalla djegal nako ko mom lo xamne la yalla djegal nako ko mom legi mu def yow mi nga xamantene worul la ni sax yalla djegal na la legi bu fekkentene bu ko ci kawo ya ko pour la parce que yow mom c'est sûr que di nga moy yalla yow tane di nga toñ yalla yow tane voilà donc so des choses yo xamantene mata te wa tarikha bi na ci daaru fadli yo bobu lañ dugg wa tarikha ci daaru fadli yo bobu lañ dugg ci xaal buñu mëna nek ak luñu mëna mel ak luñu yalla mo leen taf ci bopom yalla ji gën na len bal na len topé wu len dara amul dara lu len di wañi dara ce qui veut dire que ñom ñep borom yi gënal len képp ko xamantene da nga daanu ci ay bakkar ak ci ay njumte ak ci yu mëna doon lo ci man ti nek xala bo xamantene borom gënal na da ci genn xala bu muy genn parce que bala mo genn aduna lan nek walu yu kam walu fa man lool la de wa tarikha bi non lañ melno wala ñu genn aduna nek walu kam c'est à dire que yow li nga leen di juger moy xal bi ñu nek tay mo nga leen juger xal bi ñu nek tay alors que ñom nek gi ñu nek ci sen maqama serigne cheikh na tidiane radhiyallahu mo leen mettre au dessus de tout ça voilà ils ont déjà l'immunité exactement immunité voilà immunité totale voilà lol immunité totale lañ am ba paré wa ok lay koku yow lan nga koy manam légui lan motax mënato ko supporter lan njabotu cheikh la njabotu cheikh mati tane rabbiyallah njabotu entibi sallallahu alayhi wasallam voilà légui donc lolu nak tek telewul ne ku nek ci lu bon kenn du la wax dara tek telewul ne kenn du jël kenn manam kenn du nek di corriger kenn tek telewul lolu tek telewul ne ku wax lu bon wala ku ko def kenn du ngagn lola mais nañuy yam ci jëf ci ngagn jëf ji ci ngagn wax yi mais pas ci nit ñi c'est à dire que lolu la xam nga lolu moy différencier ak moy différencier nit ñi c'est que daf ci bari nit ñi ñu bari ci ñi xamul ni dañuy attardé wu ci personne yi alors que affaire waru ñu attardé wu ci personne yi ci fée yi lañ wara attardé wu ak conséquences yi jeex na l'acte et ses conséquences et non la personne personne bi xamuko yalla ñuko bind moko xam mais acte yi ak conséquences par contre lolu xam nga ko acte yi conséquences yi faral di joggé ci koka nak nena ah diou sangam acte yi conséquences yi moy faral di joggé ci mom nañ ko moy manam acte yi ak conséquences mais ñu bëri ci nit ñi nak lolu lañ manul en fait manuñu dissocier mu entre nit ki ak ay defam ñom mënuñu lolu lolu moy li ëpp ci nit ñi ñoo motax ñoñu ñu def attention mo gëna yomb mo gën ci ñom ñu bari ñu voilà c'est à dire que ni lool da ngay gis sax ni ñi ko man xaw dañu gëna neew man ñi nga xamné né man nañ gis né Samba day ni la mel day def nangam li moy jikko ni lay doxala ak jëmmi Samba lolu ñaar yoy dañ koy ñaar yoy différencier ko duñu dafa xawa jafé ci awami manam manuñu ko awami manuñu lolu manuñu différencier entre Samba ak ay jëfum ak ay jikkoom ay doxale na ak non manuñu ko ñom fuñu gisé Samba manam jëf ji ci bopam moy jëm nit ki alors que amna différence motax même day gis ci ki aqida dañuy différencier entre ku gëm yalla par exemple dañ nane mu'min bu nek manam julit bu nek julit ni ñom ñoy walu yalla yi yéféri ñoy nonu yalla yi et que julit ni ñoy ñu bax ni yéféri ñoy ñu bon ni et que julit ni mën nañ def lu bax mën nañ julit ni manam nit ku bax mën na def lu bon nit ku bax nit ki mu bax na mais da fay def lu bon lol man na ne et que nit ki dafa bon tamit man nay def lu bax lol tam man na ne wala nit ki dafa bon mais day def lu bax lol tamit man na ne mais nit ñi manuñu def lol manam awami manuñu def différence bobu distinguo waaw pour ñom nit ki su xasse ba def lu bon rek jeex na legui ki ku bon la alors que non il y a une différence entre day def lu bon ak ku bon la amna différence ak ko ni waji sacc na ak ko waji sacc la sacc la limité ki moy fu mu tollu day sacc manam dafa bari lu muy sacc sacc jikoum la lol lay tek sacc kat wala sacc la sacc ab sacc d'accord ab sacc ab sacc la en fait c'est parce que sacc dañ koy verbe bi aussi je pense plutôt sacc kat la ñu wax hein sacc kat la wa moy wa sacc kat moy sacc rek mom la c'est le nom le sacc que le nom le wa mom moy en même temps substantif bi c'est à dire que non voilà le participe actif passif actif bi moy substantif bi sacc ak sacc moy verbe bi tam moy verbe plutôt voilà moy verbe bi manam sacc mom moy acte bi moy le fait que ngay sacc moy verbe bi amna sacc moy diou sacc la manam moy mom day sacc lu bari moy sacc kat voilà comme ni ngay wax voilà voilà alors que sacc ci diou bop moy verbe bi alors que substantif moy ak tiatch voilà moy ak tiatch voilà voilà légui par exemple que ni diou ndialona par exemple ndialona cela ne veut pas dire que ndialo kat la cela ne veut pas dire que ndialo kat la mais ndialona ndialona voilà voilà c'est pas parce que dengue dafa am ben problème bo xam ci ordinateur bi wala ben affaire liguey bo ci def que ni legui c'est fini informaticien nga non informaticien leneen la c'est un ensemble de connaissances yo wara am ci domaine ordinateur à part de ce moment là ensemble de connaissances yoy dafa am niveau bu wara yegg pour ñu mëna tuddé informaticien voilà c'est pas parce que de nga mësu football rek footballeur nga wala que bal bi centré nañ ko nga deug bal bi door ci camp yi mu dugg rek que ni légui waji ap attaquant le buteur la non buteur bala ñu koy wax nit il faut mu duggal ay but duggalat voilà mama je pense que du mou effectivement voilà non là voilà voilà voilà voilà comme ni président waxone yow dem yow ci wax Abu Dawood rek ak ñom Bukhari voilà non yo ba rek ci nan Abu Dawood ak Bukhari fek bobu kana doon dañ gennon daayira Lyon doon football ak yakarna ak Marseille wa Lyon Marseille la Lyon Marseille la mais bon comme que souvent da ngay deg ni ñaari équipe yu xaw ki len manam yu faral di mbeukante len ak yoy mané ah lol de derby la mom monuma yow mom del yow rek ci Abu Dawood voilà parce que derby du lolou quoi derby voilà voilà voilà comme Lyon Saint-Étienne voilà voilà c'est là voilà mais bon li ma ci djiblu won dal yakarna voilà lerr na moy que ni lolou fo ñu difé ñu xam mëna différencier lolou voilà et que djulinn ni même bu ñu dëngé ñu bax lañ yéféri même visiblement seen jëf yu muy bax wax ñu bon lañ parce que yéfer lañ maintenant bon gogou ñu bon nak du lu essentiel ci ñom c'est à dire que du en leur essence la nek parce que bis bu ñu nekké julli rek bax voilà niki nono tamit non la tamit manam ku nekk ci yoon nitu yalla tamit lool la sama xama serigne ngay wax voilà taal bu cheikh sen ma xam moy ka ma xam cheikh matidiane radiyallahu anhu même bu ñu nekké ci ndëngëti tiaxan ki nangam nangam manam moy rëcc yi ñi am rëcc yoy yalla di len natto ak yoy lool seen yoon la rek et que day déterminer aussi yeen niveau spirituel parce que ñepp tollowul niveau spirituel amna ño xamantene salat fatihé biñu juddo ba biñu genn aduna dañ koy sikkar té du am dara lu len ci yalla di won du spécial ñom daal ñi ngi ci karma xamuñu réalité bi et que yalla wonu len ci dara amna ñu def lool amna ño xamantene ñaar yoon lañu ci kar nga gis yalla defal len ay lèr ay ubbi len ay mbir yo xamantene voilà donc nit ñi tamit solo tamit li yalla bëgg ci ñom voilà ñepp tamit tolowuñ ci mbir mom li len yalla li yalla dogal ci ñom ak li len yalla di defal ñepp tolowuñ ci niveau bo ñepp tolowuñ ci mbir mom kenn ku ci nek ak li len yalla dogal ci yow te lool nak yalla moko xam yalla moy def bu bëgge heure sangam mu déclencher njariñ yi ci yow et que lool nekul ci loxol kenn loolul ci loxol yalla subhanahu wa ta'ala voilà mais tout le temps bayyi xel ne ñom comme que mbir mi non la manam sen niveau lool la nga bayyi xel lool que ni comme de toute façon lool la yalla def ci ñom moy bala ñoo de nek walu yu kama voilà koku ko xamantene lool mom moy jëm waaye té defal attention ci mom ko xamne mo mo de rek faaw mu nek walu kama mais may lu bëggal ti comme daire fat gi bi nga don mo sa am boole ñi xamanteni jël nañ wër tarixa bi te bayyi wuñ ko ñu ngi ci biir wala bokk ñoo ñi istilah ya fa bi dedet ñepp ngir nek ci biir ba mu dess ñi nga xamantene wala moy ñoo moy ni ko bax jek jek ne ba nañ ko wala bok ño xamantene adamul amnu makrillah dafa nekul ci ñom manam al amnu makrillah dafa nek ci ñom manam ñom wala dañu wul lol fi yalla di mëna jaar pour yaq yu fi nit ñom dañ ko wolu ñom dañu seen xel dafa tranquille trop ci lu leen neex lañu def lu leen neex lañu manam ngir sukkandiko ci ne tariqa bi ku ci nek yalla da lay def lol nak ñoñu dañ ñing ci guiné en fait ñoñu yalla tamit day teurel am doxalin bo xamantene daf leen ci guiné da leen di guiné ci daaira bob du leen guiné rek ci daaira bi ci tariqa bi ci bopum leen di guiné ndax tariqa bi fe yaangi ci daaira bi excès d'assurance mo leen di voilà excès d'assurance bobu mo leen di voilà dugal mo leen di guiné fofu sont mis sur la touche voilà non di voilà comme ñi nga xamantene ñom ñoy wax xet keur yeen wa keur yent bi rek sallallahu alayhi wasallam manam djubluuma ci wa keuram ci deret kesse mais ma ngi ci djublu wa keuram manam ñi nga xamne njabotam nañ mo leen njaboté comme annabiyyu awla bi mu ñu min anfusihim yantou sallam mo gëna yello ci djulli ñi ke seen bok voilà motax ngay gis bi avant xam nga daanu nangu bor kuko am daanu la nangu julle mais bi ay bobu wacce ci la décidé di julle ñu am bor parce que daf ni mo leen gëna ye ci bopam do façon seen bor kon ci mom lay tebu sallallahu alayhi wasallam voilà ko xamantene yeenbi sallalahu alayhi wasallam non la mel ci nit koku koku yow lan ngay xalat ci mom manam lan moy yow sa comportement par rapport ak nit ku mel non ko xamne mom juste que yeenbi sallalahu alayhi wasallam mom jaf dako xolal exemple bi ñu doon wax kéro ak comme tobaski nga xamne kepp ku amul xaru tobaski ci xéetu sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam yeenbi mo la rendul xar sallallahu alayhi wasallam mais imaginer ku mel nonou yow nak maam yeenbi sallallahu alayhi wasallam bayiko xel ba tax mu diko rendil xar mais est-ce que imaginer nga nan yow nan nga wara mel par rapport ak kokou ban beut nga ko wara xolé boko xolé ban beut nga ko wara xolé boko gisee admiration bi nga wara am par rapport ak mom beug gi ngui koy beug manam voilà c'est pas parce que dafa deung ke bokul won ci xar bi de non julit la kon mi ngi ci bir julit la mi ngi ci bir ko xamantene nonu lay baye manam lol lay baye xel mbir yu mel non lan ngay xalat ci yenen yi nga xamanteni ñoom day aju ci seenu texe seenu ñaka taxa andak ni alquran mo ñu saxal na yeen dem sa non la mel sallallahu alaihi wasallam yeen dem sa sam na ana lakum bi manzilatil walid uallimukum hadis bu nek sunan imam an-nasa'i bob rahmatullah alayh ak mu tem ci sunan ibn majah rahmatullah man mangi mel kum yeen ci waccu way waju dama len di jangal wala après muy jangalé manam nit ki bu démé won ak tégg ni nga xamné ño ci aju mais le simple fait que mune man par rapport ak yeen mangi taxaw way waju Allah holal lol holal yantibi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene goudi go xamne da ko tok di ñaan di joy juste ci len manam ummati Allah sama xet Allahumma la tukhzini fi ummati bul yalla bul tass sama yaakar manam wala bul ma beccangal ci sama xet sallallahu alayhi wa sallam t'imagine sallallahu alayhi wa sallam ko xamantene ci ñooñu yentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu mu yittel soxlaal ko ba tax muy joy ngir ñooñu guddigi ak xam gi ñu xam mom moy kan sallallahu alayhi wa sallam mais mu préoccupé ko à ce point ko bokoy xol dang ko wara xol botu admiration botu estime botu magal ko hein si ndax yentou bi sallalahu alayhi wasallam manam nimu yitté gi mu jox koko voilà bo demé présidence de la république donc président c'est pas parce que xalé bu ndaw la 5 ans la am wala 6 ans et que mi ngi joy ci ay bonbon wala ay gâteau que ni do ko respecter non bok xolé dang koy xol beutou ki de do président la wala hein la sanga ñe ko ngir ne doom president la wala Allah wala ngi jox ko estime wala njabot yentu bi sallalahu alayhi wasallam non lañ mel manam julit ni yeralante bi sallallahu alayhi wasallam même bu fekente ne amna ci deret manam ci deret ngeenel gu mu gu njabotam am manam ñi nga xamne mom ci deret lañ nekk ay njabotam sallallahu alayhi wasallam même bu de ñoo ñu amna ngeenel gu ñu am bu spécial mais njabot bi mu geerono jox geud jox ko yitte moy njabotu roxam sallallahu alayhi wasallam manam aspect bobu daf aspect bobu le gonono jox geud d'ailleurs message am yeb c'était porté ci aspect bobu voilà maintenant njabotu deretam daño bolé ñaari aspect yeb voilà yalla nañu yalla tax sen barke wala ñoon tamit ñu leen xolé bëtt bobu parce que yentu sa sal bëgg na leen de nit ku nekk bëgg nga ki nga jur wallahi nit ku na bëgg nga ki kilo jur kenn du bëgg ganar bañu neenam wala ay ciujum wala bëgg ganar bañu ciujum ñoom ne ñoom ñepp ngay bokk bëgg okay والله تعالى وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين